sous marijuana. Faut jamais la légaliser. 9-3 c'est Tijuana. Personne va nous canaliser. Midi, minuit c'est mort. Ça vend des barrettes au lycée. Ça vient des cités d'or. Ça marche en bande organisée. Et sous marijuana, faut jamais la légaliser. 9-3 c'est Tijuana. Personne va nous canaliser. Midi, minuit c'est mort. Ça vend des barrettes au lycée. Ça vient des cités d'or. Ça marche en bande organisée. Ne sois pas choqué. Pour nous tout est normal, c'est la street. J'n'ai pas coup à l'hôtel. Tout d'avant t'emporter, c'est rapide. Toujours la même dégaine. Ça coche du guin, tout noir, père d'Azix. À l'heure pour faire de l'oseille. En retard qu'on faut aller chez la street. Sors ton parapluie, les balles vont pleuvoir, c'est réel. En sens interdit, on fait courser en TDM. Les petits de la caisse veulent tous devenir citron. Lunettes, sirop, pêche. J'suis dans ma matrix, ego. Département le plus criminel. Fait divers parisien, ouvre-le, tu vois ma tête. Pas trop la tête au tasse. On fait tourner la puce, le type, j'allais pas. Dans les armes, dans nos âmes, tous banlieusards. Y'a des sommes, des soldats, 762, 1143. 9-3, fait divers, pas fini de l'évisère. Bas les couilles, ton humeur, bas les couilles, ta lumière. Oh les mains dans le sac, on venait dans le sas. Qui j't'en max sur le T-Max. Et le guetteur qui sera pas à la descente de Condé. Faut que tu penses à nous ralasser, nous derrière les teintes. Sous marijuana. Faut jamais la légaliser. 9-3 c'est Tijuana. Personne va nous canaliser. Midi, minuit c'est mort. Ça vend des barrettes au lycée. Ça vient des cités d'or. Ça marche en bande organisée. Et sous marijuana. Faut jamais la légaliser. 9-3 c'est Tijuana. Personne va nous canaliser. Midi, minuit c'est mort. Ça vend des barrettes au lycée. Ça vient des cités d'or. Ça marche en bande organisée. J'ai volé, j'ai braqué, j'ai fini dans le fond de la cellule. Dans le 3, y'a plein des Van Bachter. L'argent éloignera les partenaires. Avant je vendais, maintenant c'est mieux. On est des vaillants, on fait avant de parler. C'est quoi qu'ils nous veulent? Payer la verre, payer l'ouvreux. Sevrant 3 tours, y'a Carrefour à côté. Les tirer des morts, c'est Gotham pour de vrai. Voisine en pleurs, y'a des caves cagoulées. Petit sud, nous où on va? J'tour, Noron, ça m'a compas. Tracé ma route et perdu des compères. J'ai gardé les vrais frères, c'est pour ça que j'suis content. Poche ton gonflé, en cliquant. C'est mon bosseur doit rentrer, il est en condi. Petit revend, celle qu'on tamponne. Capuché, j'pillave dans mon coin. Toi t'es nia, tire sur mon joint. La madre est mia, j'en prends soin. Eux c'est des bizarres, j'les vois de loin. Famille nombreuse dans un taudis. Là on pense qu'on est maudit. La bougie n'oublie pas de tout dire. Or je m'en résonne dans le toki. J'essuie mon calancier. Gosse donne pour moins de 10 balles. J'entends qu'ils veulent m'assassiner. J'les attends, j'fume la médicale. Sous marijuana. Faut jamais la légaliser. 9-3 c'est Tijuana. Personne va nous canaliser. Midi, minuit c'est mort. Ça vend des barrettes au lycée. Ça vient des cités d'or. On marche en bande organisée.